Chapitre 3e. Les labours. Les pluies sont enfin venues, abondantes. Déjà la terre se couvre en maints endroits d'herbes naissantes. Quelques fraîcheurs vertes paraissent au pied des collines et de place en place égayent les étendues fauves desséchées par les ardeurs d'un été d'Afrique. Un frisson de vie semble courir sur les surfaces calcinées. Ce n'est plus que par intervalles que le ciel découvre son azur implacable. De belles masses de nuées le traversent du matin au soir, promenant leurs grandes ombres sur les montagnes ou reflétant leurs teintes grises dans les mares qui se forment, après chaque ondée nouvelle, sur les parties amollies de la plaine. Le mince filet d'eau qui menaçait de se tarir entre les berges escarpées de la rivière s'est transformé en un torrent que son lit n'est pas assez large pour contenir. On entend le bruit sourd de ses eaux affolées et au-dessus du rideau de tamarin qui s'incline sur ses rives, retentissent les effondrements, les chocs, les brisements de ces roches entraînées et les chutes des arbres déracinés par la force du courant. Un vent âpre amène sans relâche de nouvelles brumes qui voilent les sommets des montagnes. L'automne a jauni le feuillage des térébintes. Les douars nomades fixent leur campement, c'est l'époque des labours. L'arabe fait venir son cramès, son métayer. De même qu'il assure au berger, pour la garde de ses troupeaux, sa part de lait et sa part de toison, de même le possesseur d'une terre s'engage à laisser le cinquième des récoltes à celui qui défriche, sème, laboure et moissonne. Il doit lui donner les aides indispensables, fournir le blé, l'orge des semailles, et selon ses ressources, les chevaux, les bœufs, les mulets, les ânes et les chameaux qui, tour à tour, sont destinés à traîner la charrue, branches noueuses, munies d'un éperon en fer, arrière des premiers âges qu'on attelle avec des liens d'alpha. La terre est détrempée, les arrangements sont conclus, aussitôt le cramès commence ses travaux. On peut le voir, dans les brouillards du matin, menant ses bêtes à travers les campagnes. Au premier rayon du soleil levant, son burnous flotte dans une huée d'or. Il chemine, suivi de quelques aides, vers les terres de rapport quand le pays en est pourvu. Mais si le sol dont il doit tirer parti n'a jamais senti le fer de la charrue, il lui faut, dans l'espace couvert de broussailles, trouver l'endroit fertile, la disputer aux pierres, aux racines. Parfois, pour abréger ce dur travail, lorsqu'un bon vent vient à souffler, il sort un briquet de la bourse de cuir qui pend à sa ceinture, en fait jaillir une étincelle, enflamme quelques herbes sèches. Une vapeur noire s'échappe d'un buisson qui pétille, embrasse les buissons voisins. Alors s'élèvent au-dessus de la plaine en feu ces fumées épaisses qui, pendant le jour, dessinent dans les airs leurs gigantesques spirales et qui, la nuit venue, projettent dans l'ombre des lueurs farouches. Il est des heures où, jusqu'au bout de l'horizon, tout autour de soi, l'on peut voir, dans la plaine et sur les flancs des montagnes, plusieurs de ces incendies mourants et renaissants sous l'impulsion des brises nocturnes. Spectacle saisissant, qui épouvanterait tout autre que l'habitué de ces régions. L'arabe suit d'un regard tranquille ce solennel embahissement de la flamme. Il sait que le travailleur en a limité l'étendue, soit en utilisant l'arrêt naturel des cours d'eau, soit en pratiquant des tranchées avec la hache ou la faucille. D'ordinaire, ces premiers défrichements se font autour des campements. Ils ne s'étendent davantage qu'en raison des besoins de la tribu. L'arabe n'est point soucieux des richesses qu'il lui faudrait acquérir par un travail opiniâtre. Il mesure son effort aux nécessités du présent. Demain appartient à celui qui tient les fils de sa destinée. Indolent, fataliste, tout occupé d'une vie future, il s'inquiète peu de prévenir la mauvaise fortune et subit sans se plaindre les effets de son imprévoyance habituelle. Que la vitalité d'un sol vierge vienne à tromper ses espérances, que la sécheresse anéantisse le germe de ses récoltes, que les sauterelles s'abattent sur ses champs verdoyants, alors, surpris devant ses silos vides, sans ressources pour lui, sans pâturage pour ses troupeaux, impassible, il dispute à la famine une vie aventureuse. Le croyant se soumet à la volonté d'Allah. Les paysans de nos contrées pourraient s'étonner de voir semer avant de labourer. Telle est cependant ici la coutume. Les avantages de la herse sont inconnus. La charrue passe et le grain peut couver, germer sous les éboulements du sol. Le semeur, d'un pas inégal, parcourt en tous sens les terres prêtes à recevoir la semence. Il va, fouillant dans son burnou, tantôt prodigue, tantôt parcimonieux, tantôt émiettant le grain, tantôt le jetant à poignée, évitant la roche, les racines trop touffues, tournant les obstacles et passant la main fermée dès qu'il rencontre une place inféconde. Les voilà tous à l'œuvre, défricheurs, semeurs, laboureurs. Ceux-ci sont des enfants de la tribu des Beni Wassin. Ceux-là, montagnards marocains des Beni Snassen, se reconnaissent à leurs membres robustes, à la tresse de cheveux noirs qui leur tombe sur la nuque, et surtout à cette façon noble de jeter par-dessus l'épaule l'extrémité du haïk, ressemblant ainsi à des Romains drapés dans leur toge. Quelles attitudes viriles! Quelle ampleur dans les mouvements lorsque, cédant de la fourche, ils font tomber à leurs pieds, à chaque coup de faucille, le bois épineux des jujubiers sauvages. Les femmes, on le sait, partagent avec les animaux les plus rudes besognes. Rarement on les voit sans fardeau. Le moindre, le plus doux aussi, est leur nourrisson. Faut-il renouveler les haies protectrices qui défendent l'abord de la tente? C'est à elles que revient le soin de rassembler les épines en énormes fagots. On les voit, courbés sous leur poids, disparaissant sous leur masse grise, reprendre le chemin du douar et traverser intrépidement la rivière avec ses broussailles sur le dos et de l'eau jusqu'aux jarrets. Ainsi les heures fuient dans la paix du travail, le sol change d'aspect, se couvre de culture et se transforme en terre fertile. On suit avec attention les divers épisodes de cette vie agricole et pastorale. On se croit transporté au sein de ces familles de patriarches qui donnent tant de poésie aux premiers feuillets de l'histoire des Hébreux. Et ces paysages tranquilles, ces mœurs austères, ces bergers paisibles, ces fumées qui montent près des tentes, semblables à celles des holocaustes, reportent l'esprit vers les époques bibliques. Le grandiose se dégage de la rusticité des travaux des champs. Qui ne s'oublierait dans la contemplation de ce labeur primitif, poème éternel, dont la sublime éloquence arrête l'homme de la civilisation devant l'homme de la nature. En quelques lieux qui aient des champs pour horizon, on se plaît à retrouver cette figure du laboureur poussant son attelage dans le sillon. De tout temps, les maîtres l'ont choisi pour symboliser le travail. Toujours elle passe devant le regard comme une apparition héroïque. Il n'est, en ce pays, rien qui ne se revête de quelque beauté sévère, étrange ou pittoresque. À côté des bœufs classiques, menés sous le joug, s'essoufflent deux petits ânes ébouriffés qui rasent la motte de terre avec leur museau. Ici, l'œil est attiré par l'accouplement original d'un bœuf et d'un mulet. Là, se détache sur le ciel la silhouette dégingandée d'un de ces grands dromadaires, fort et docile, qui traîne une charrue comme un grand enfant manierait un jouet. Curieusement harnaché avec des traits de paille et des sangles en tapisserie, cet animal avance, avec une allure de navire entrant dans un port, lent et grave, l'œil fauve et hautain, le cou tendu, les naseaux en l'air. Le réseau de franges qui lui scinde le poitrail balance en mesure ses glands écarlates et promène ses gaietés criardes sur son poil roux. Chaque pas de son amble caractéristique imprime, dans le sol mou, l'empreinte de ses larges pieds. Une femme, dont l'air et l'accoutrement sont presque sauvages, précède l'animal, tandis qu'elle berce sur ses reins l'enfant endormi dans les plis de son haïk. Elle tire légèrement le fil qui doit, si le dromadaire est distrait, le maintenir dans la ligne droite ou l'obliger à tourner au bout de chaque sillon nouveau. Le laboureur termine le cortège, chaussé de sandales en peau de chèvre, dont les lanières, taché de boue, s'enroule autour de ses jambes nerveuses. Ses membres nus ont des contractions d'athlète. Tantôt, le corps renversé, il pèse de toute sa force sur la poignée de la charrue pour engager le fer plus profondément. Tantôt, il allonge le bras qui tient l'aiguillon et avec un cri brusque, il excite le nonchalant animal. De temps à autre, pour reprendre haleine, dans une pose altière, il se campe auprès du dromadaire arc-bouté sur ses jambes calleuses. Si c'est l'heure des génuflexions, il se prosterne avec simplicité, murmurant sa prière. Puis, de nouveau, il poursuit sa tâche. Le soc tranchant fend la terre, l'ouvre, la retourne et culbute sur son passage oignon de scie, chardon, asphodèle. Il broie mille fleurs sauvages et jette l'épouvante et la destruction dans les familles d'insectes pullulants. Des volées de bergeronnettes légères, empressées, s'abattent sur ses proies surprises dans leurs abris. Ce n'est plus, le soir, qu'un champ aux sillons inégaux, une couche d'argile brune, laborieux ouvrage de l'homme qui attend les germinations merveilleuses de la nature.